Amis auditeurs, amis auditrices, amis auditrans, bonjour. Dans la série « Les chroniques virales », voici. Par les enfants et pour les enfants. Par les enfants et pour les enfants. Deuxième semaine. Paru dans lundi matin 236, le 30 mars 2020. Pour cette seconde semaine confinée, nous poursuivons notre nouvelle rubrique « Par les enfants et pour les enfants ». Si vous avez plus de 12 ans et que les fautes d'orthographe vous font peur, passez votre chemin. Merci à Mess Lisande, Sarah et Rose. J'ai choisi un livre qui me fait beaucoup rigoler et j'aimerais le conseiller à d'autres personnes. Ce livre s'appelle Mathilde, il est illustré par Quentin Blake et écrit par Roald Dahl, édition Gallimard Jeunesse. Ce livre parle d'une petite fille qui s'appelle Mathilde Verdebois, qui à un an savait déjà parler avec autant de mots qu'une grande personne. À 3 ans, elle lisait déjà toute seule, et s'entraînait avec des magazines et des journaux qui traînaient dans la maison. Le seul livre qu'il y avait dans cette maison, c'était un livre de cuisine. À 4 ans, elle lisait parfaitement bien et elle rêvait de livres. Puisque son grand frère Michael, qui avait 5 ans de plus que Mathilde, allait à l'école, sa mère allait jouer au loto presque tous les après-midi et son père travaillait dehors, Mathilde en profitait pour aller à la bibliothèque. Une année plus tard, elle entra à l'école, avec une directrice qui détestait les enfants, et qui pensait qu'elle-même n'avait jamais été un « enfant ». La maîtresse de Mathilde s'appelait Mademoiselle Candy, elle était super gentille. Les chapitres très rigolos que j'ai le plus aimé sont « Le fantôme » et « Le chapeau et la super glue », qui sont des blagues de Mathilde. Et j'ai aussi adoré le moment du triton dans la carafe de la directrice. Mélisande, 8 ans. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire est une histoire pleine d'aventures et de suspense. Je vais vous résumer le début. Trois enfants, Violette, Klaus et Pruny Baudelaire arrivent à côté d'une plage, la plage de Mallamé où commencent leurs aventures. Ou plutôt leurs mésaventures. Il y a 9 tomes, chez Nathan, et dans le premier, tout commence mal. Sarah, 10 ans. Cette semaine j'ai lu D'un monde à l'autre, un livre que la couverture moche n'encourage pas à lire mais dont l'histoire est super bien. Camille a 14 ans, elle adore les maths, elle vit avec ses parents et son ami Salim Khan, elle manque de se faire écraser par un camion, mais se retrouve dans une forêt. C'est le premier d'une série de 3 tomes qui s'appelle La quête des Willans, par Pierre Bottreau, chez Rajo. Rose, 10 ans. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt. Et bon baiser numérique.